Situation 2. Je rêve d'une maison à la campagne, avec son petit jardin. Ah, pas moi. Je rêve d'une maison au bord de la mer, avec une plage pour mes amis et moi.